Seigneur, nous voici devant toi. Nous sommes là pour relever ton nom. Car nous reconnaissons dans les cieux, sur la terre et sous la terre, rien que toi. Tu as reçu un nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout le nom. En ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Me voici devant ta présence, élevé ton nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu règnes. Me voici devant ta présence, élevé ton nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu règnes. Oh. La mort et l'enfer tremblent, le joug brisé, ton peuple délivré. Par Jésus, le Fils, nous avons la vie. À jamais, sois adoré, Seigneur. Seigneur, défends-toi, nous fléchissons nos genoux. À jamais, sois adoré, Seigneur. Parce que tu nous donnes la vie, la paix, le bonheur. Tu es notre Dieu, le Dieu d'Abraham. À jamais, sois adoré. Hosanna, c'est lui qui vient et qui est assis à la droite du Père. Bwana wa minduni, hakuna mwengine baba, ukea sifane shangwe. Baba wa milele, baba wa mapendo, upokea utukufu, wastahili baba. kona inama mimi ninakuabudu mikono yangu na inua mimi ninakuabudu baba Je me prosterne, tu es digne d'être adoré. Mes mains sont levées pour t'adorer. Tu es digne d'être adoré, oh Seigneur. Le Dieu des alangues, il est digne d'être adoré. Devant ta face, je me prosterne. Tu es digne d'être adoré. Je lève mes mains pour te salter. Tu es digne d'être adoré, oh Seigneur. Ma akuna. akuna mwengine kama wewe Bwana anga akuna mwengine kama wewe Bwana mokote yako kani na yogo na mokilo yogo Tu es digne d'être adoré, tu es digne Seigneur, tu es digne d'être adoré, tu es digne, tu es digne d'être adoré, tu es digne Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, oh, tu es digne, d'être adoré, oh Jésus, tu es digne d'être, oh tu es digne, d'être adoré. Mungu wa mapendo unastahili kuabudiwa Baba unastahili Baba unastahili kuabudiwa unastahili Mungu wa mapendo unastahili kuabudiwa Haleluya unastahili Baba Sifa na shangwe baba Unastahili kuabudiwa Haleluya Unastahili baba Unastahili kuabudiwa Unastahili Unastahili kuabudiwa Unastahili baba Unastahili kuabudiwa Una bolingo na ngai te Una boyenge beni na yo Yawe otunda na bolingo Yawe otunda na mawa Una bolingo na ngai te Una boyenge beni na yo Yawe otunda na bolingo Pai o tunda na mawa ayawe Ondi makili wa ya soni na Golgota Bona bolingo na yokolo Ondi mi babeta yo basete na maboko Nyoso wana ponga na zala na bombo Okufindi wa ya soni Ondi mi kokufa bolungu yesu we Yo muto eba kipasi teo lati pasi nga Bona bo yenge vene na yo Bona bo lingo nanga ite Bona libota nangaite Bona bambongo nangaite Bona boenge bene na yo Umama na yo Yawe nanga Oh Yawe nanga Yawe nanga Oh no Umama na yo Zambe nanga Zambe nanga Niye mwamba ni salama Niye mwamba ni salama Niye mwamba ni salama Niye mwamba ni salama Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Ata ba passe la tinzoto. Yawe na ebi na kolonga. Papa na ebi oko sala. Papa na ebi oko sala. Papa na ebi oko sala. Papa na ebi oko sala. Papa na ebi oko sala. Yawe. Oh Nzambe na ngai. Nani oya kokiko kokana na yo mokonzi. Na mabele na se na mabele. Mosusu azali te lokola yo Nzambe na bomoi. Kaka yo otiki lola. Olati nzoto ya moto na se na moi. Ozali Nzambe. Alleluia. Nzambe monene. Nzambe monene. Nzambe na ngai. Mosusu azali te. Oh, kela likolo mpe na nse Nzambe. Otondisi yango na nkembo na yo. Nzambe na ngai. Mosusu azali te. Nzambe monene. Munguna na Golgota, Nzambe na ngai. Mokolo ya misato, sekwa na kunda Nzambe. Okoki na nkembo Yesu. Nzambe na ngai. Mosusu azali te. Mosusu azali te Yesu. Elengi ya koyeba yo, etoni nga motema. Opesa nga, pomoi na futa na mbongo te. Nzambe na ngai. Mosusu azali te. Kolokuma. Oyebanga yambo na botama na mokili. Oponanga utali bumu ya mama na nga Nzambe. Mingi bakufi. Obesinga pema. Obesinga pema. Yove. Na yo mokonzi makambo sale langa ele kiminene papa na ngolu ele kiminene Nzambe nini oyo na koki kotia lokola yo corona bika mwe na tambu se makanizi na ngana bisika nyoso papa kasi na swali sungi na swaye pana yote opesa nga silence oyo fami eko kako pesa nga uta mokolo moko te tata Papa, yo pesi nga identite mo kile pesa nga te Yesu. Ola kota nga uta na vota mana libu na mama Yesu. Osala nga moto na lo vale lupaso na bato Yesu zwalo. O Yesu tata. Papa, yo pesi nga maboko pe makolo pe na tato la mono kako yebisa kombo na yo. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Osali Nzambe. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Nzambe mwe. Alleluia, Alleluia, Alleluia. na mbate na zambe. Alleluia, alleluia, Hosanna. Aye, mwana na zambe, ibanga na talo, yonde